ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Maurice Chevalier, le charme français à la conquête de la planète. Je ne me vois pas, moi, comme ce qu'on appelle une grande vedette ordinaire. Je me considère plus comme presque un ami de toutes les familles du monde, vous comprenez. C'est pas tout à fait le genre star, c'est pas tout à fait le genre à grand panache et tout ça. Mon histoire, à moi, est plutôt une histoire de cœur. Maurice Chevalier, à l'émission Partage du jour en 1963, Maurice Chevalier a été une grande vedette internationale, tout en ayant, c'est vrai, ce rapport de proximité avec le public dont il parle dans cet extrait. Maurice Chevalier était en fait une manière de dandy, mais un dandy sympathique dans lequel aimait se reconnaître le public. Et vous-même, est-ce que la gloire vous est venue très très vite? Vous savez, moi j'étais d'une époque à Paris, quand j'ai commencé à être en vedette très jeune. J'ai commencé à être en vedette vers les 18 ans, dans les quartiers à Paris, dans les faubourgs, n'est-ce pas? Et à 21 ans, j'étais vedette aux Folies Bergères, avec Miss Linguette, tout ça. Donc c'est une longue histoire, mais il me semble que moi, d'un chanteur populaire européen, ce qui a fait de moi un chanteur populaire international, c'est quand j'ai commencé à réussir en Amérique, n'est-ce pas, à partir de 1928, tout ça, et qu'à partir de ce moment-là, alors des grands films de cette époque-là et des grands succès de Broadway, tout ça, alors là, je suis devenu réellement un artiste français tout à fait international. Valentine, outre ses petits boutons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. À nouveau, Maurice Chevalier à l'émission Partage du jour en 1963, et c'est sa chanson Valentine, bien sûr, l'un de ses plus grands succès qu'on entendait également dans cet extrait sonore. Pour revivre l'incroyable parcours de Maurice Chevalier, je reçois l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin. Steve Normandin, bonjour. Bonjour. Que représente-t-il Maurice Chevalier dans l'histoire de la chanson française, Steve? Eh bien, c'est un diamant plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'à la fois, il a représenté une certaine forme de modernité, parce que Chevalier a toujours été très attentif au style et au mode. Il faut savoir qu'avant d'être chanteur, il aimait aussi la danse, donc il a intégré cette espèce de forme de spectacle avec le musical naissant, et c'est ce qu'on lui doit, en fait, c'est cette performance qui plus tard va donner des ailes aux plus grands fantaisistes, que ce soit Yves Montand ou Philippe Clay, d'incarner, en fait, sur scène, non seulement de la chanson, mais aussi des personnages qui sont plus grands que nature. Et Chevalier avait cette force-là d'évocation. Donc, dans l'histoire de la chanson, c'est de la chanson drôle parce qu'il est du café-concert, c'est sa racine. Ouais. Donc, quand il écoutait les artistes de sa jeunesse, c'était pour faire rire. Il était vraiment de cette époque-là. Donc, si on doit retenir des choses de Chevalier, c'est justement le sourire, la bonhomie, ouais, et l'espèce de familiarité qui fait on est français, mais ça ne nous empêche pas, à travers toutes nos expériences, de pouvoir s'amuser. Et Maurice Chevalier, là-dessus, était un digne représentant de l'humour et de l'esprit français à travers la chanson. Ouais, c'est une image, en fait. Je parlais de dandy, mais c'est ça aussi. Oui, oui. C'est son costume, carrément. C'est un personnage, Chevalier. C'est un personnage, mais qui s'est longtemps... ça a pris du temps avant qu'il se développe. C'est-à-dire que ça a pris une prise de conscience quand il a vu les musicals anglais au début ou milieu des années 10, et il s'est rendu compte que quand on voulait faire rire en France, il fallait absolument avoir des costumes outranciers, du maquillage et tout ça, ou être... il y avait l'élégance. Le seul qui était très élégant, c'était Mayol, qui était une des grandes idoles de jeunesse de Chevalier. Mais il se trouve que Mayol était très efféminé. Il était homosexuel, certes. Et il expliquait, Chevalier, qu'il arrivait sur scène avec extrêmement de décorum. Il dit, comment faire pour dépasser cette espèce d'élégance que Mayol pouvait avoir d'un tuxedo ou vraiment la classe, mais en ayant toujours cet aspect comique. Ouais. Et donc, il a vu les complets que portaient les Anglais et il s'est dit, si j'y ajoutais un chapeau avec une certaine forme de... C'est lui qui a donné l'élégance avec son fameux canotier, en fait. Il n'a pas pris le chapeau de la ville ou un chapeau à huit reflets comme il faisait au tout premier lieu. Il disait, tout le monde porte des grands chapeaux très début du siècle et tout. Qu'est-ce qui pourrait me démarquer? Et il a combiné, en fait, ce petit chapeau de paille avec ça a été le trait de génie de chevalier, en fait. Et depuis ce temps-là, cette marque de fabrique, il a pu allier à la fois le costume et la chanson, et le personnage s'est incarné de soi. Avec l'exploit d'exporter cette image-là qu'on associe à la France, au charme, à l'élégance française partout dans le monde, ça va vraiment être une vedette internationale. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris. Une chanson qui, aujourd'hui encore, continue de nous mettre de bonne humeur. Il y a de la joie. Ça va être un des grands, grands succès de Maurice Chevalier, Steve Normandin. Une chanson que va aussi populariser Charles Trenet. Et l'écrire. Et ça nous permet de parler de... Moi, d'abord, en préparant l'émission, je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai comme pensé à Trenet, spontanément. Puis de fait, quand on pense à Chevalier, Trenet n'est pas très loin. Et ça s'explique. Cette chanson-là, c'est un bon exemple. Oui. Et ça nous en dit beaucoup sur la relation qu'ils vont avoir l'un avec l'autre. Oui, qui va être très brève, en fait, parce que Chevalier, bon, à ce moment-là, il est au fait de sa carrière. Il a 49 ans. Hollywood lui a évidemment ouvert les bras. Il revient à Paris après toutes ces années et il se demande comment je vais conquérir le public. Et pour lui, 1935 jusqu'à la guerre, c'est 4 années effervescentes pour le répertoire. L'essentiel des chansons qu'on entend encore aujourd'hui, à part peut-être la veine des chansons américaines, ce sont des chansons françaises qui lui sont composées par Georges Van Paris, par Jean Boyer, par Mireille aussi, la Mireille de Coucher dans le foin et tout ça. Et Chevalier a cette espèce de don de faire jaillir les nouveaux talents. Et quand il entend parler de Trenet, ils ont le même éditeur, Raoul Breton, qui est très célèbre, et il décide de permettre à Trenet de faire entendre ses chansons parce que Trenet vient de se séparer de son partenaire, Charles et Johnny, donc avec Johnny S. Ils avaient un duo. Il se retrouve en solo et il dit, ben écoute, il me semble qu'il y a de la joie. Ça pourrait être une excellente chanson pour Chevalier. Il les fait se rencontrer. Chevalier, évidemment, est emballé. Et quand il la crie, c'est le triomphe. Et Trenet s'en rend compte vite que sa chanson fonctionne et il devient opportuniste. C'est un auteur, compositeur, interprète. Ouais. Un des premiers, un des plus lumineux, et quand, sans demander la permission à Chevalier, parce qu'il y avait une espèce d'entente tacite où les chansons devaient être interprétées uniquement par la personne à qui elles étaient confiées, et Trenet... Pendant une année à peu près, pendant c'était une ça année, une espèce de contrat moral. Une exclusivité, ce qui était logique, parce que ça garantissait la rentrée dans les salles, et Trenet a fait fi de cette loi et a chanté cette chanson-là et a obtenu un triomphe presque aussi grand, sinon plus parce que c'était un jeune, donc à l'ABC, il a créé sa propre chanson, il y a de la joie, et Chevalier lui en a longtemps voulu, à un point tel qu'une autre chanson qui lui avait été composée, Ménilmontant, Trenet, finalement, l'a créé lui-même, et Chevalier a toujours gardé quand même il y a de la joie son répertoire, mais en a longtemps voulu à Charles Trenet. Ouais. Parle un petit peu des débuts. Vous l'avez évoqué dans l'image qu'il va cultiver, et dans les sources de cette image, il le repuise dans ses propres origines, mais Ménilmontant, dont vous venez de parler aussi, c'est son milieu d'origine. Parlez-moi de ça, à quel milieu il appartient puis comment il glisse dans le spectacle? Bien, il vient du milieu ouvrier. Il naît le 12 septembre 1888 d'une famille où il y a 3 jeunes fils. Sa mère est belge d'origine, belge-flamande, à un point tel qu'ils entendent parler le flamand, les enfants, et ils l'appellent la Louk, parce que Louk, Lac, Louk, Louk, enfin, il y a toutes sortes de consonances, mais c'est le petit mot gentil pour la maman. Le père boit beaucoup, et décide de quitter le foyer. Quelques années plus tard, le frère aîné aussi crée des misères à sa mère. Donc, une dame se retrouve seule à nourrir 2 enfants. Sa mère tombe malade, la mère de Maurice Chevalier. Il soit confiné à ce qu'on appelle les enfants assistés. Et il va en garder un lourd traumatisme. Et quand sa mère sort de l'hôpital, il dit « Il faut absolument que je puisse nourrir ma mère. Donc, très jeune, il se retrouve en atelier à faire des punaises, à faire un tas de petits métiers, et ça lui convient absolument pas. Ce qui va être la porte de sortie du jeune Maurice Chevalier, c'est que avec le peu d'argent qu'ils ont, ils fréquentent les cafés-concerts de quartier. Il n'y a pas de télévision en 1900, et la radio non plus, et la seule façon de voir des artistes, à moindre coût, ils se paient des sièges dans le fond de la salle à pas très cher, mais ils vont entendre les grandes vedettes du moment qui fréquentent ces petite salle de spectacle. Donc, il voit Paulin, qui est habillé en costume de comique troupier, qui est une grande vedette. Il voit Mayol, il voit Dranem, avec qui il va jouer des années plus tard. Et tous ces gens-là lui donnent l'envie de faire de la scène. Alors, un jour, à 12 ans, en 1900, il monte sur scène du Café des Trois Lions et pour un modeste prix, qui est un bol de café au lait, il essaie de chanter. C'est la catastrophe parce qu'il n'a aucun métier. C'est une espèce de scène ouverte pour essayer de découvrir les talents locaux. Il se plante, mais royalement. Ça aurait pu le décourager, mais il se dit non, ça n'a aucun sens. Il avait essayé de faire un numéro d'acrobatie avec son frère, mais il s'était cassé la gueule. Alors, il s'est dit, tant qu'à faire, je vais continuer à chanter. Oui. Ça va être la chose la plus simple. Alors, il va travailler d'arrache-pied pendant plus d'une dizaine d'années en gravissant les échelons, mais vraiment un à un, en essayant de se faire un personnage en se maquillant et en essayant de chanter des chansons un peu grivoises comme ça pouvait se faire à l'époque. Oui. Et peu à peu, il gagne son métier et la reconnaissance d'une partie du métier, oui. Et vers 1905, là, vraiment, ça décolle. 1905, triomphe à l'Alcazar de Marseille. Oui, inattendu, d'ailleurs. Triomphe à Paris, à l'Eldorado. Oui. Il y a deux femmes qui vont être importantes à partir du moment où il commence à exister, comme vedette, là, début du 20e siècle. Deux femmes vont croiser son chemin et vont être importantes. Mistinguette, on va en parler dans un instant. Ah. Mais d'abord, Fréhel. Parlez-moi de cet épisode-là qui est périlleux pour lui. Et qui est pourtant très bref, mais qui aura des conséquences extraordinaires. Fréhel, c'est d'abord... aujourd'hui, on la connaît comme étant la grande chanteuse réaliste, créatrice de la Java Bleue et tout ça, mais on n'en est pas là. À l'époque, elle est d'une beauté extraordinaire. Elle sert de mannequin pour les plus grands modélistes français. Et il se trouve que cette femme-là, c'est un peu comme la jet-set de l'époque. Donc, elle est très belle. On la présente dans les salons à porter les plus beaux vêtements. Et elle chante aussi. Donc, elle chante, mais pour un public très restreint. Elle ne fait qu'un disque en 1908, seule trace de sa jeunesse, en fait, avant de revenir sur la scène dans les années 20. Mais à ce moment-là, c'est d'abord un mannequin qui chante et tout Paris s'entiche d'elle. Chevalier, évidemment, la trouve très belle. C'est le coup de foudre entre les deux. Et il devient son amant, bien qu'elle soit mariée à un impresario. Et il se trouve que parce qu'elle est une grande vedette et d'un milieu très high class, si vous me permettez l'expression anglaise, et elle consomme tout ce qui peut se consommer de cocaïne, de produits comme l'opium. Ouais. Et elle initie Chevalier. Le jeune Maurice, lui, a sa jeune carrière, ça marche bien pour lui. Et il se dit, oh, ça doit pas me faire de mal, alors... Finalement, il tombe dans les bas-fonds et pendant plusieurs années, même alors qu'il est soldat à la guerre, il subit une sorte de désintoxication forcée et toute sa vie, il va savoir que c'est un danger et c'est son côté survie parce qu'il veut absolument réussir dans le métier. Il a une faim de loup. Il voit qu'elle est en train de se brûler par les deux bouts. Ouais. Et quand il lui dit « Je ne peux plus rester avec toi », il semblerait que Fréhel l'aurait poursuivi dans les rues de Paris à sa recherche pour essayer de l'assassiner. Alors, on lui a dit, écoute, il faudrait vraiment que tu cherches une protection. Et il y a eu un hasard de vie. Il rencontre Mistinguette à ce moment-là qui commence à être une grande gloire du musical et qui va lui montrer le métier et qui va le soutenir et essayer de se débarrasser de ses jeunes démons. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est bon, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups. Cette chanson, Mon homme, c'est un peu la chanson de rupture entre Mistinguette et Maurice Chevalier. Oui. Mais avant la rupture, Steve Normandin, ces deux-là vont s'aimer passionnément. Oui. Et puis, cette présence de Mistinguette, vous l'avez évoquée il y a un instant, elle sera positive. Oui, tout à fait. Mistinguette va lui donner les portes de l'élégance, lui ouvrir, mais vraiment l'aspect musical, comment incarner la scène, quoi faire avec une chanson. Ils vont être partenaires à la scène, mais quand Chevalier a des grandes aspirations de devenir vedette, au moment où Mistinguette crée Mon homme, lui, il trouve la chanson magnifique et elle était sur le point de la refuser. Et c'est parce que Chevalier voulait la chanter avec une version masculine qu'il a enregistrée qui s'appelle « C'est ma bonne ». Et finalement, voyant que Chevalier avait les dents longues, elle a dit « Puisque tu veux la prendre, eh bien, je vais la créer ». Et c'est devenu la chanson référence. Mon homme pour Mistinguette, c'est comme Valentine pour Maurice Chevalier. Et toute sa vie, il va garder une admiration et une reconnaissance à cette femme-là qui va lui avoir ouvert le chemin pour la scène et comment vraiment maîtriser le contact avec le public. Les grandes scènes, les Folies Bergères, il va connaître ça avec Mistinguette. Puis l'influence anglaise aussi, c'est par elle, avec un voyage, entre autres, qui va être déterminant. Un voyage à Londres. Ils ont vu Norman French, qui était un danseur à claquettes, et il se trouve que Chevalier a copié son style et l'a appliqué au style français et l'a mis dans les revues telles que Mistinguette lui avait enseigné. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère, un perdu tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris. Cette chanson, Dans la vie, il faut pas s'en faire, c'est un des premiers grands succès de Maurice Chevalier, oui. Pour qui les années folles, Steve Normandin, seront des années folles. Tout à fait. Et Chevalier devient à ce moment-là la vedette de l'opérette, même pas du tour de chant. On construit des spectacles vraiment comme des comédies musicales autour de lui et ça devient la coqueluche de Paris par ses deux grandes opérettes que sont Dédé en 1921 et l'année d'ensuite, il crée Là-haut avec le fameux Dranem dont je parlais tout à l'heure. Et ces deux comédies musicales-là vont faire en sorte de mettre Chevalier sur la grande piste du spectacle à un point tel que c'est par le biais de ces comédies musicales que le cinéma va plus tard s'intéresser à lui. Les gens disent « Ah oui, il sait chanter, il sait faire la comédie et en plus, il est bilingue. Donc, ça peut peut-être être un bon parti pour l'Amérique. » Voilà, le cinéma pour lui, ce sera le grand cinéma d'Hollywood. Chacun de nous marche au pas, ce n'est pas pour aller au combat. La seule chose qui vraiment nous enflamme, c'est les femmes, femmes, femmes, femmes, femmes. Un soldat, ce n'est pas qu'un guerrier, une rose vaut mieux qu'un laurier. Ce qui fait battre mon cœur bien plus que le tambour, c'est l'amour et toujours l'amour. En 1934, Maurice Chevalier triomphe dans le film d'Ernst Lubitsch, La Veuve Joyeuse. Faut dire que Maurice Chevalier, c'est presque la fin déjà de sa carrière hollywoodienne. Mmh. Il aura une période... Entre 1928 et 1935, Maurice Chevalier brille à Hollywood, Steve Normandin. Mais il ne s'appartient pas. Vraiment, quand il arrive là-bas, le contrat qu'on lui fait signer, c'est non seulement des films en anglais, mais à l'époque, il n'y a pas de post-synchronisation. Alors, il faut qu'il refasse le même film en français. C'est à la fois une merveille pour lui, parce que ça permet de le faire voir partout et chez ses propres concitoyens, dans sa propre langue. Mais en même temps, c'est une arme à deux tranchants pour lui parce qu'il va tellement travailler, il va se retrouver à la fois avec des problèmes de dépression nerveuse parce qu'il ne sait plus à quel sein se vouer tellement il travaille. Il veut faire des spectacles aussi à New York. Il découvre Duke Ellington. C'est un des premiers blancs, d'ailleurs, à accepter qu'un orchestre noir l'accompagne. Et c'est ce que Hollywood lui permet. En étant vedette, il se rend compte que le monde s'ouvre à lui. Mais quand en 1935, son contrat s'achève, il met un haut-là, il dit « Moi, Paris me manque, la scène me manque vraiment. » Il faisait des spectacles, mais c'était souvent des remorques pour la promotion de ses films qui, malheureusement, sont aujourd'hui, pour l'essentiel, oubliés. La plupart des rééditions qu'on possède en DVD, du moins en Amérique du Nord, sont les films de langue anglaise. Ouais. Il est très difficile de trouver la période américaine avec les versions originales françaises, hélas. Et quand il retourne en France, les films qu'il va faire en Europe sont des flops. Il va falloir attendre 1947 et Le silence est d'or de René Clair pour qu'il regagne ses lettres de noblesse en tant qu'acteur, mais en Europe. Oui. Alors que déjà à Hollywood, c'est vraiment le French lover par excellence. Oui. Il revient donc en France en 1935. Très vite, donc, arrive la Seconde Guerre mondiale, qui est une période... Comment dire? Il y a une zone d'ombre entourant Maurice Chevalier dans, dans cette période de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il était, en fait, un vieux soldat de la guerre de 14 qui se disait, moi, les Allemands, je ne les aime pas et je vais faire tout mon pouvoir pour essayer de sauver des gens. Et il s'est compromis en allant chanter à ce qui était Radio Paris, qui était la radio dirigée par les Allemands. Et il espérait, par sa notoriété, pouvoir avoir une sorte d'immunité. Malheureusement, les gens de l'époque, surtout ceux qui étaient dans la résistance et qui étaient contre l'occupation allemande, ont vu en Chevalier quelqu'un qui allait se mettre dans la gueule du loup, en fait, alors que lui, il avait demandé, il dit, vous voulez que j'aille chanter en Allemagne après avoir repoussé l'invitation? Oui, mais je veux que 10 prisonniers soient sortis. Et toute cette ambiguïté-là, il a fallu l'intervention de Louis Aragon et de plusieurs autres personnes parce que vraiment, il était pieds et mains liés par les nazis. C'était vraiment très particulier, mais bon, je crois qu'il n'a pas été le seul dans cette situation-là, ouais. Mais cette ombre a toujours plané au-dessus de la tête de Chevalier. Ça lui a causé de grands préjudices. Ça a resté, bien évidemment, une tâche dans son parcours. Hélas, oui. Voilà. Après ça, après cette guerre, il s'engage déjà dans une assez longue période, là, ce qui va devenir la fin de sa carrière. À quoi ça va ressembler, cette période-là? Bien, en fait, après la guerre 39-45, c'est le sommet. C'est-à-dire que les spectacles, chacun des spectacles jusqu'en 1968, ce sont des rétrospectives de son œuvre. C'est à la fois les années opérettes qu'il va refaire sur disque et à la radio. Ce sont les années Hollywood qu'il va évoquer. Mais il va toujours avoir un œil sur la jeune génération, ce qui fait que les spectacles sont toujours assez particulier parce qu'il chante des créations neuves de jeunes personnes. Et quand il voit un Gilbert Bécaud ou Vlyn Bugy qui plus tard va écrire des chansons pour Hugo Frey, il va aller passer des commandes à ces gens-là en disant, même le jeune Henri Salvador, j'ai besoin de 109 et en tant que patriarche du spectacle, il se sentait comme un devoir de tendre la main parfois aux nouvelles têtes d'affiche. Ouais. Il meurt en 72, il fait une dernière grande tournée mondiale en 68. Puis on peut se demander, quand on s'intéresse aux circonstances de sa mort, est-ce qu'il se sera remis finalement de ses adieux à la scène? Jamais. En fait, tant qu'il a été sur scène, au contact du public, pour lui, c'était comme une mission. Il se considérait artisan de France. Ce qui va lui permettre de garder toujours le contact, c'est d'écrire 10 tomes de sa propre vie. D'abord, ce sont ses mémoires et ensuite un carnet de route qui va intituler « Ma route et mes chansons ». C'est de faire des émissions de télévision en France comme aux États-Unis. Ouais. Mais c'est surtout aussi le fait de souffrir d'isolement. C'est-à-dire que lui qui a été adulé par tout le monde, en 70 ans, on considérait qu'il serait temps vraiment qu'il arrête. Et quand il fait son dernier spectacle au Théâtre des Champs-Élysées, il est lucide. Il se dit, bon, j'ai eu mes grandes années derrière moi, mais à partir de maintenant, je vais prendre du temps un peu pour moi et puis je vais tenter peut-être de faire des projets d'émissions de télé et tout, qui ne se concrétiseront pas. Son dernier vrai projet, c'est il va le faire à la mémoire d'un ami qui était Walt Disney. Il va chanter la chanson des Aristochats dans le film du même nom. C'est lui qui fait le générique en français et en anglais. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, amoureux, s'il en est un, de la chanson française, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous aussi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Je n'ai pas de caractère, ça perd du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas.